Pas un jour sans qu'elle fouille mon fontaine. Je crois que sur cette terre y'a pas plus folle qu'elle. Elle veut savoir où j'suis et avec qui. Mais quand j'suis dans la street, c'est vrai, j'l'oublie. Elle m'appelle, me traque, message. Elle sait que j'réponds plus quand j'suis sous pédave. La vie de ma mère, elle casse les couilles, il faut que j'la tège là. Mes potes m'ont dit, t'es là, mais avant baise là. Et tard la nuit, des fois j'cogite. Elle me veut dans son cœur, moi je la veux dans mon lit. Tard la nuit, ouais c'est vrai, des fois j'cogite. Elle me veut dans son cœur, moi je la veux dans mon lit. Ouais j'étais mignon avant de t'avoir. Maintenant que je t'ai, je ne fais que te décevoir. Ce n'est pas de ma faute, bébé, j'suis un mec du bloc. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. J'suis pas miqué, t'es pas mini, donc arrête-moi, t'es timide. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. J'suis pas miqué, t'es pas mini, donc arrête-moi, t'es timide. C'est cuit, j'suis un mec du bloc. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. Elle veut que je l'emmène faire du shopping jusqu'à New York. Elle sait pas que je suis bloqué ici, je dois finir le boulot. Elle me dit Nino, de façon quand t'es pas sérieux. Si je te quitte, je trouverai mieux. Elle peut essayer. Je m'en bats les balais. Tard la nuit, des fois je cogite. Elle me veut dans son cœur, moi je la veux dans mon lit. Tard la nuit, ouais c'est vrai, des fois je cogite. Elle me veut dans son cœur, moi je la veux dans mon lit. Ouais j'étais mignon avant de t'avoir. Maintenant que je t'ai, je ne fais que te décevoir. Ce n'est pas de ma faute, bébé, je suis un mec du bloc. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. J'suis pas miqué, t'es pas mini, donc arrête-moi, t'es timide. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. J'suis pas miqué, t'es pas mini, donc arrête-moi, t'es timide. C'est cuit, j'suis un mec du bloc. Un mec du bloc ne peut pas dire je t'aime non-stop. Un putain de mec du bloc. Tu ne peux pas dire je t'aime non-stop. Car je suis un putain de mec du bloc. Putain de mec du bloc. Putain de mec du bloc. T'es folle. Ma chérie t'es folle. Ma chérie t'es folle. Ah.